est-il ? Je dois dire que Gérard aurait tendance à considérer le côté fonctionnel de l'objet. Mmh. Pour lui, il n'y en a qu'un tracteur. Rien de plus, rien de moins. Mon Dieu, mais c'est affreux, comme vous devez souffrir. Oh, que voulez-vous ? Oh, j'aurais dû m'en douter. Chez lui, la dominante sera toujours l'esprit de géométrie, alors que chez moi. Mais je lui parlerai, je lui expliquerai. Ah non, Michou, s'il vous plaît, n'en faites rien, ce ne serait que raviver inutilement notre querelle. Vous avez raison. L'important, c'est qu'il ne vous empêche pas de le garder dans votre salon. Bon, la petite Rietchou, tu sais qu'il est l'heure, il faut partir. Mais non, moi j'ai rien. Au bout d'un moment, elle est impossible. Alors, mon petit ange, ma louve chérie, c'est vous qui avez une idée de l'objet ? Mon Dieu ! Comme une petite fille, elle est adorable, adorable ! Mais comment l'idée vous est-elle venue ? Mais je ne sais pas. Elle est venue comme viennent les idées, on ne sait trop comment. Elle est fantastique. Elle est merveilleuse. Maman, tu sais que c'est l'heure, il faut vraiment partir. Le rendez-vous est à 8h30. Mais non, mon petit chéri, le rendez-vous est à 9h. 8h30, maman, il faut partir. Ah, Michou, hein, je t'en prie. Maman. Oh, mon petit chou, mon petit poussin jaune, mon cormoran joli. Oh, mon Dieu, j'ai été méchante, je m'en veux. Michou, regarde. Regarde-la. Fantastique! Alors, mon petit trésor chéri, faites un sourire à votre maman. Un beau petit sourire, mon petit poussin jaune. Allons. Nous partons! Gérard, désolé de vous avoir manqué. À bientôt. On reviendra, mon petit ange. À bientôt, Rirette, à bientôt. Je vous en prie. Ne nous accompagnez pas. Mettez-vous plutôt là. Près de l'objet, pour que nous partions avec cette vision. On dirait une divinité Maya. Maya ! On a envie de se mettre à genoux. Irène, vous êtes un chou. Vous êtes un vrai petit chou. Allez bien, maman. L'objet sobre, la fonctionnalité, l'inertie sociale de l'en soi, le... Oh là là, j'ai mal à la tête. Madame ! Madame, est-ce que Monsieur Dinanville aussi je dois mettre son couvert ? Non, vous pouvez mettre son couvert, Marguerite. Bien. Dites-moi, le mécanicien n'est pas venu ? Non, madame. Bon, je lui téléphone. Non, ne partez pas. Allô, monsieur Boudru ? Ici madame Forestier. Non, justement, je voulais vous dire de ne pas vous déranger. L'affaire est arrangée. Bonsoir. Comment trouvez-vous notre nouveau meuble, Marguerite ? Ah, madame veut parler du... Justement. Non, mais observez-le bien. N'êtes-vous pas frappée de voir à quel point il rompt avec tout ce qui l'entoure. Il est si seul, si... en soi. Ah, oui, ah, je vois ce que madame veut dire, oui. Il est là comme un hérisson au milieu d'une couvée de poulet. Non, ça n'est pas exactement ça. Je me demande si vous le comprenez bien. Oh, avant de venir à Paris, j'étais placée dans une grande ferme. C'est vous dire qu'un tracteur, c'est pas du nouveau pour moi. En somme, vous le voyez fonctionnel. Bon... Eh bien, je vais sûrement vous surprendre, Marguerite, mais ce tracteur n'est pas un tracteur. Oh ! Ben, qu'est-ce que c'est donc ? C'est... Attendez. C'est quelque chose... Non, c'est une chose... Une chose qui est formidablement soi. Madame a beau dire, hein, c'est quand même un tracteur. Ah ben, en apparence, oui. Mais en réalité, non. Après tout... C'est peut-être pas vraiment un tracteur. Cet après-midi, quand le mécanicien a sonné à la porte, il a dit « Je viens pour le mimoteur ». Le mimoteur ? Oh ! Certainement pas, non. Il a dû dire « Je viens pour le minotaure ». Minotaure. Ah oui, c'est ça. Oh, ben, mimoteur, minotaure, ah, c'est presque pareil. En tout cas, ça veut dire la même chose. Ah, ben, pas du tout. Dans l'Antiquité, le minotaure était une créature qui avait le corps d'un homme et la tête d'un taureau. Pauvre garçon! Ça devait rudement le gêner pour aller au bal. Oh. Et bien entendu, c'était de naissance. Ah ben mon Dieu, oui. Pasiphae, sa mère, qui était reine de Crète et fille d'Apollon, s'était éprise d'un taureau. Et le Minotaure, justement, était le fruit de leurs amours. De leurs amours? Oh, oh, oh, ça alors! On peut dire vous autres, vous avez des idées pas ordinaires. Comment nous autres? Enfin, je veux dire vous autres, les gens bien, quoi. Chez nous, à la ferme, il y a un taureau. Ah, oui, même qu'on l'appelle Antoine. Ah, à cause d'un cousin que mes parents sont fâchés avec. Eh ben, Antoine, quand je me trouve chez nous, je le vois tous les jours. Bon, jamais l'idée me viendrait de... Madame, imagine, là! Remarquez, quand on se met à réfléchir... Eh ben, ne réfléchissez pas, Marguerite! Et son bonhomme, là, le roi de... Minos, le roi de Crète, il s'appelait Minos. Eh ben, son Minos, il laissait sa femme fréquenter le taureau! Je suppose qu'il était en voyage. Il a dû en faire une tête quand il a vu le Minotaure. Eh bien, il a pardonné. Oui, je pense qu'il a dû préférer que sa femme l'ait trompé avec un taureau plutôt qu'avec un homme. En tout cas, il a été très bien pour ce Minotaure qui ne le méritait pourtant pas. Le monstre dévorait des jeunes gens pour en faire sa nourriture. Oh, ah ben, jolie famille. Oh. Et est-ce que la reine avait d'autres enfants? Oui, un fils et deux filles. La triste Phèdre et la malheureuse Ariane. Enfin, ça, c'est une autre histoire. Non, enfin, je veux dire, deux autres histoires. Madame les racontera. Oui, plus tard, Marguerite, plus tard. Madame conviendra, hein. Les reines avaient quand même des drôles d'amusement. Ben, ça va, Marguerite. Ah, je comprends maintenant pourquoi on a pris la Bastille. Oh. Non, mais il pleut à verse. Irène, je te demande pardon, je me suis conduite comme un sauvage. Oh, tu te laissais là un mouvement d'humeur, simplement la sagesse me paraît être de ne plus penser. Je vois que tu n'as rien compris ce qui s'est passé tout à l'heure. Un mouvement d'humeur, mais c'est de bien d'autres choses dont il s'agit. Gérard, j'ai aucune envie d'en parler ce soir. Ça n'est pas mauvaise volonté de ma part, mais j'ai l'esprit ailleurs. Alors je parlerai seul. Tant pis pour toi si tu n'écoutes pas. Durant la courte promenade que je viens de faire, j'ai réfléchi à notre association. Association? À notre union. À la triste figure que j'irai faite pendant tant d'années. Il est sûr qu'au cours de notre vie commune, j'ai souffert avec beaucoup de patience de ta sécheresse de cœur. Candide, généreux, je valais mieux que toi. Tu es bien d'accord? Mais pas du tout. Enfin, comment peut-on à ce point se tromper sur soi-même? Quand je t'ai épousée, tu étais déjà l'être lucide et peu bienveillant que tu n'as jamais cessé d'être. Lucide? Mais je n'ai jamais été lucide. La preuve en est que je t'ai épousée. Oh! Mais laisse-moi te dire enfin pourquoi je me suis mise en tête de te présenter des excuses. Tu tiens à te faire pardonner d'avoir été grossier avec moi. Non, pas du tout. J'avais dit ce qu'il fallait dire. Non, ce qui, à mon sens, mérite toutes les sévérités, c'est d'avoir installé ce Minotaure au milieu du salon sans ton assentiment et sans même t'avoir consulté. Oh! Tout à l'heure, sous le coup de la surprise, j'ai eu une réaction excessive. Mais ne va surtout pas t'imaginer que je me sois formalisée le moins du monde. Non, je te dirais même que je commence à m'habituer à la vue de ce tracteur. Toi, non. Oh, je t'assure que bien. Non, rassure-toi, je ne te demande pas de t'y habituer. Ce tracteur, j'ai décidé qu'il allait disparaître. Ah non, Gérard. Ah non, ça, je ne veux pas. Ce tracteur est très bien ici. Mais j'ai trop présent à l'esprit ce que tu m'en as dit tout à l'heure pour ne rien changer à ma décision. J'ai l'honnêteté de reconnaître mes torts envers toi et d'en tirer les conclusions que tu es en droit d'attendre. Mais j'attends rien de ce que tu imagines. Enfin, on dirait que tu t'ingénies à compliquer les choses les plus simples, mon pauvre Gérard. Ce tracteur, vois-tu, je me suis mise à l'aimer. Oh, mais oui, je sais, c'est un revirement surprenant. Mais que veux-tu? Mon cœur se serre à la pensée qu'il pourrait n'être plus là. Ah non, c'est trop. Bien sûr, je suis touchée par tant de bonne volonté, mais pour l'amour du ciel, Irène, ne te force pas. Ce serait une de ces erreurs, comme il m'est arrivé d'en commettre, hélas, trop souvent. Mais je ne me force pas. Tiens. Non, tu peux pas comprendre. À mes yeux, l'en soi de cette machine est une chose inouïe, fantastique. L'en soi de mon tracteur? Quelle singulière façon de parler. Mais ce ne sont pas des façons de parler. C'est un sentiment vrai, un sentiment profond. Un sentiment profond pour mon tracteur. Et que veux-tu? Je m'y suis attachée, ce petit minotaure. Moi aussi, je m'y suis même très sérieusement attachée. Il représente pour moi tant de choses perdues ou manquées. Oh, il est fantastique! Et tu sais que ça va loin, très loin. Non, mais très, très loin. Oh, il est tellement chou! Je l'adore. Mais tu es surprenante! Tu adores ce que tout à l'heure... Eh oui. Enfin, soit, après tout, si tu veux continuer à le voir, ce n'est pas moi qui t'en empêcherai. Je viens de téléphoner à Mourlon pour que tout à l'heure il emmène le Minotaure dans une de ses remises, où j'irai lui rendre visite aussi souvent que je le pourrai. Non, Gérard, non, non, gardons notre Minotaure, c'est moi qui te le demande. Je te promets qu'il ne sera jamais entre nous un sujet de dispute. Tiens, je suis prête à le jurer sur la tête de maman, tiens, je te le jure sur sa tête. Non, ça, sincèrement, je ne crois pas que ça soit possible. Ou alors... Alors quoi? Tu comprends? Rien ne sert de le garder chez nous s'il ne trouve pas ici un climat de confiance et de compréhension. Oh, bah quant au climat, tu peux compter sur moi. Mais précisément, non. Ce qu'il nous faut, c'est un climat de campagne, de familiarité villageoise. C'est bien ainsi que je l'entends, Marguerite. Je crains que le vrai problème t'échappe. Marguerite, madame. Marguerite, désormais, vous tutoierez monsieur. Et vous l'appellerez Aurélien. Bien, madame. Ah, pour le dîner, au lieu de faire une omelette aux fines herbes, j'ai envie de la faire aux girolles. Comme vous voudrez, Marguerite. Qu'est-ce que t'en dis, Aurélien? Ah bah, sur le coup, girolles, je vais me régaler à sacré coup. À présent, dis-moi donc voir ce que tu pouvais pas fabriquer hier le soir avec le Noël Brugnon que je vous ai vu passer 8 heures au coin du fumier à la céleste recuffe. Eh ben, si on te le demande... Merde, on se... Marguerite! Je ne peux plus entendre de ces mots-là. Désormais, vous veillerez à la décence de votre langage. Je demande pardon à madame, en cause-là, ça m'a échappé. C'est bien ce que je disais. Dès le départ, tu es dépassé par ce problème d'atmosphère. Notre rude langage de terrien t'écorchera toujours les oreilles. Je ne peux tout de même pas tolérer que cette fille dise devant moi ce qu'elle vient de dire. Non, tu ne peux pas le tolérer. C'est bien pourquoi il faut que mon Minotaure s'en aille. Et moi, je m'oppose à son départ. Il restera là. C'est ce que nous allons voir avec Mourlon. Très probablement, c'est lui qui vient de sonner. Il nous arrive une chose incroyable, absolument incroyable. En vous quittant, je dis à Michou. Non, maman, c'est moi qui t'ai dit. Non, c'est moi qui t'ai dit ton parapluie. Non, je t'ai dit ton parapluie. Bon, très bien, je me tais. Oh, voyons, maman. Oh, tu me fais beaucoup de peine. Mon petit maman. Non. Mais Clément, Dieu de vague. Vous n'avez-tu pas causé tranquillement, non pas que de vous japper dans le nez pareil que de roquettes? Ah non, Gérard, non, pas de ce langage-là devant nos amis Carouille. Gérard, mon grand trésor. Alors, comment le trouvez-vous, mon Minotaure? Mon Minotaure? Pourquoi dites-vous mon Minotaure? Mais parce que c'en est un. Regardez, c'est écrit dessus. Mais oui, là. Oh, comme c'est étrange. Au premier abord déjà, j'avais été frappé par son aspect taurin. Oh oui, par Irette. Oui, il a une nature taurine. Oui, une nature minotaurine qui nous trouble et nous alanguit. Regardez, regardez, il me semble l'avoir porté en moi. Je suis Pasiphaé. Oh non, non, Michou, non. Rejetons malheureux, né d'un désir coupable, assouvi à genoux dans l'ombre de l'étable, où fulgura l'éclair de la flèche écarlate, promise aux francs royaux que la tante dilate. Oh non, non, écoute, je t'en prie, Michou, tu t'énerves, tu viens de faire mal, arrête-toi, voyons. Je fais perdre le fil de mes idées. Bon, bon, Irène, vous ferez le cœur des taureaux. Que la reine est belle, Et toi, Pasiphaé, de ton mufle charmant, je baise la peau nue et rêve à mon amant qui mourut emporté par une fièvre afteuse dans un long meuglement de détresse amoureuse. Pauvre château, il ne pouvait plus parler, mais son dernier regard disait Pasiphaé. Certes, d'autres taureaux ont ce je ne sais quoi qui charme, mais hélas, on n'aime qu'une fois. Oh, Michou, Michou, c'est d'accord. Ah, mais c'est bon, c'est bon. C'est bon. Mais oui, ma pauvre femme. Oh, tu es bien notre Pasiphaé. Enfant, refais-moi C'est la voix de ton père qui me vint tendrement surprendre par derrière. va, que je verse un pleur, soumise à mon destin, de te voir, mon Seigneur, prisonnier clandestin, de tristesse accablée, et peut-être rêvant de courir par les prés toutes cornes aux vents. Mais nul ne doit savoir en ce peuple de Crète qu'en moi, le sang des dieux et le sang de la bête se sont mêlés jamais. Comme elle est tragique, cette petite passifaille avec son taureau. C'est d'une grandeur, tu trouves pas? J'espère. Il n'y a pas qu'à voir ce que j'ai. J'espère qu'après avoir figuré le cœur des taureaux, tu auras pris goût à la campagne. Mais... tu es de notre sang. Mais celui d'Apollon risque de l'emporter. Le pire est que Minos, depuis plus de 5 ans, éloigné de Knossos, peut d'un moment à l'autre en ses lieux débarquer et du taureau galant quelques dépit marqué. Mais Minos est mort. Il aura péri dans quelque naufrage. Pacifae, viens dans notre troupeau. Nous te rendrons les soins que réclament ta grâce et ta jeunesse. Tu es vraiment d'excellent conseil. Maman, prépare-toi à faire Minos. Oh, mais joue, voyons, comment tu fais Minos, pas Minos. Allez, tu fais Minos, je t'ai. Allez, tiens, prends ton sceptre. Hein. Cher enfant, tu me vois en mortelles alarmes. Depuis que délaissant et le jambon de Parme, et le miel de Limède, et le soupe à l'oseille, à mon esclave indien, tu broutas une oreille. Coucou, c'est ma Minos! Pas maintenant, maman, je te dirai que tu fendras l'oreille, râle. À mon esclave indien, tu broutas une oreille. Moi, de ta gourmandise, au lieu de te châtier, je te donnais l'esclave à manger tout entier. Oh, faiblesse fatale! Oh, funeste trépas! Un esclave à présent te fait juste un repas, ce qui me revient cher. Je peux? Non! Mais quel est ce tumulte? Et salut régalien, ces coups de catapulte, et ce grand remuement du bronze et de l'airain, et cette sonnerie, tiens, voilà du boudin! Et le nom de Minos! Coucou, c'est moi Minos! Et le nom de Minos, à ce qu'il me paraît, porté par la clameur aux marches du palais! Aux marches du palais! Maman! C'est à toi vraiment! Coucou, c'est moi! Non, moi familière! N'oublie pas que tu es roi de Crète et fils de Zeus! Allez, vas-y, recommence! Salut, Pacifae! Quel n'est pas mon bonheur après 5 ans d'absence de te retrouver tel que je t'avais laissé? La cuisse a un peu forci, mais la taille aussi fine! Tu me chatouilles! Elle me chatouille! Sais-tu que tu n'as jamais été aussi sexy? Oh tiens, je ne résiste pas, il faut que je t'embrasse. Eh bien, Pacifae, que se passe-t-il? Je te sens contracté. Si grande soit ma joie de te revoir en Crète, je ne puis cependant montrer cet air de fête qui répondrait aux vœux qu'a pu former ton cœur. Te souviens-tu, Minos, de la tendre ferveur de nos embrassements ce matin qu'en famille... Mais quel vertige étrange! Ariane, ma fille, viens soutenir ta mère et saluer ton roi. Tu arrives un peu tard, tu arrives même trop tard. Mais c'est une pécore qui déteste les taureaux. Ariane, ma fille, mais comme tu as grandi, je crois revoir ta mère quand elle avait 15 ans. Ariane, viens embrasser ton papa, ma chérie, viens vite. Non, papa, si tu veux bien, nous remettons ces embrassements à plus tard quand tu auras fait la connaissance de mon jeune frère. Ton jeune frère? Oui, tiens, regarde. Oh, l'abominable bête, je n'en crois pas mes yeux. On dirait le corps de mon Michou. Ah, c'est agréable. Minos n'en est encore qu'à s'étonner, mais quand il saura, Eh bien, Pacifae, tu ne dis rien? Et je vois la sueur qui perle à ton front, allons, parle. Quel est ce monstre? Dieu des taureaux, secourait notre reine. Un jour, que de langueur j'allais m'affaiblissant, je fis un tour de parc avec les enfants. C'est alors qu'un taureau, une superbe mine, me toise et me décoche une œillade câline. Il était de nous tous le plus séduisant et les vaches, il les avait toutes. Moi, la chair embrasée de ces ardeurs solaires que le sang d'Apollon fait battre en mes artères. Ah, tu vas pas leur raconter ces horreurs. Ah ben si, c'est le plus important qu'il me reste à dire. Alors, ça... Assez, la seule chose importante à présent est de savoir ce que nous allons faire du Minotaure. Bien sûr. Vous n'allez pas nous le tuer. Mais il n'en est pas question. Simplement, papa et moi jugeons qu'il est décent de l'éloigner sans retard de notre palais. Et moi, je dis qu'on ne l'éloignera pas. Dans ce salon, il est chez lui. Papa, tu es d'accord pour qu'il vienne les lieux sur le champ? Mais j'ai justement fait la connaissance à Athènes d'un jeune architecte nommé Dédale. Minos, ne tombez pas dans le piège de Gérard. Il veut avoir votre approbation pour me priver de l'objet. L'objet, quel objet? Pasiphae, l'objet. L'objet. Au moins, Pasiphae, défendez votre fils. Le plus sage des rois qui range sous son sceptre. Michou, abandonnez l'Alexandrin, ce n'est plus d'un jeu qu'il s'agit. Oui. Gérard en veut l'ensoi du tracteur. Bon, écoutez, écoutez, je ne demande pas mieux que de défendre son ensoi, mais si vous me supprimez l'Alexandrin, Sandrin, vous cassez mon rythme, vous cassez tout, hein. Enfin. Il ne faut pas que cet animal. Je refuse de m'en séparer. Moi aussi, je refuse. Tais-toi, veux-tu? Minos a décidé. Je ne te pardonnerai jamais. Aurélien, il y a le Philibert qui veut te voir. Qu'est-ce que j'y réponds? Bah, dis-y d'entrer, pas dire. On verra plus tard. C'est un autre chef. Salut Aurélien. Bonjour à tous. Phèdre. Oh. Mes filles, toi, la plus jeune. Elle me chatouillait. Sur mon sein oppressé, laisse rouler ta tête. Ah, la magie d'or ! Qu'est-ce que c'est que cette façon-là ? Mais ne vous fâchez pas, c'est un jeu. Oui, c'est un jeu. C'est un jeu. Ah bon, bah, j'aime mieux ça. Vous, monsieur, qui venez du dehors, pleut-il encore ? Non, madame, la pluie vient juste de s'arrêter. Ah, mon Michou, tu vois, il ne pleut plus partout, nous sommes en retard. Oh, j'aurais voulu que Phèdre intercédât pour lui. Oh, mon Dieu, et nous nous sommes amusés comme des petits fous, de vrais petits fous. Oui. Mais maintenant, fini le jeu, Anaïs nous attend. Oui. Mes trésors, nous filons à l'anglais. Embrassez Anaïs. Une autre fois, nous jouerons encore. Oui. Aimable Phèdre, adieu. Allez, les chers! Aurélien, on rencontre des drôles de monde chez toi. Bah, qu'est-ce que tu veux? Tout ça, c'est des amis à la femme. Monsieur Bourlot, je tiens à ce que vous le sachiez, l'homme qui vous a pris par le cou est un collègue de mon mari, et la vieille dame et sa mère. Voilà pour le drôle de monde. Bon, bah, moi, vous savez, je disais ça. Hein. Alors, Aurélien, on l'enlève, ce